C'est la Coupe du monde de rugby qui se déroule depuis cette nuit au Japon. La Coupe du monde de rugby, c'est un très, très gros événement. Je dirais que c'est dans le top 5 peut-être du monde du sport. Moi, un de nos collaborateurs, vous entendez surtout lorsqu'il fait de la publicité, c'est un mordu de rugby, probablement un des seuls au Saint-Lac-Saint-Jean, c'est Pat Bouchard de CKJ 92.5. Salut Pat! Salut, et tu seras surpris d'apprendre que j'ai maintenant des copains du rugby. Mon guitariste, qui est un Français, lui, a joué au rugby, connaît le rugby, connaît le top 14, puis on va avoir quelqu'un qui va venir écouter le rugby avec moi durant la Coupe du Monde. Mais le rugby, t'es le seul Québécois qui aime ça, à peu près? Des trois? Non, je pensais que oui, mais non, il y a quand même des ligues de rugby au Québec. Il y en a aussi universitaires, il y a des gens aussi qui aiment ça. Mais disons que, comme on n'a pas beaucoup à la télé au Québec, parce que RDS préfère, je sais pas moi, mettre des reprises ou des vieux films que de mettre, je sais pas moi, des matchs du top 14, il y en a une douzaine par semaine, ben en fait, sept par semaine, ils préfèrent nous mettre des vieux films. Si on en voyait peut-être un peu plus que juste à la Coupe du Monde, peut-être qu'il y aurait un peu plus, justement, de gens qui aiment ça, parce que, veux pas, Coupe du Monde, c'est rien qu'une fois aux quatre ans, ça fait qu'on l'oublie assez. Ben oui. Ça fait déjà la troisième Coupe du Monde qu'on se parle, Annie. Oui. Mais il y a une ligue aussi, hein, je te l'ai envoyé hier, une ligue semblable à la MLS qui est au premier balbutiement. Ça fait, elle a deux ou trois ans en Amérique du Nord aussi. Il y a une équipe à Toronto, les Wolverines. Je sais qu'il y en a une à Montréal, mais j'ai cherché hier, j'ai fait des recherches, c'est très difficile de trouver des informations. Non, mais il y a aussi une ligue à Montréal d'amateurs où tu peux aller te pratiquer les mercredis et jeudis dans un parc à Montréal où c'est vraiment pour s'amuser, pour découvrir comment ça se joue. Donc, s'il y a des gens de l'extérieur du Québec qui sont à Montréal, ils peuvent aller l'essayer pour le plaisir sans vraiment, évidemment, se rentrer dedans comme des malades. Ouais. OK, la Coupe du monde de rugby, je l'ai dit d'entrée de jeu, c'était une des cinq événements la plus prestigieuse. Nous, on connaît pas ça du tout, là. C'est pas parce qu'on connaît pas ça qu'on n'en parlera pas. Donc, moi, je pense qu'il est même, je le place quatrième ou cinquième, et c'est vraiment ça. Hein. Il y a juste peut-être en Amérique du Nord que ça marche pas le rugby, parce qu'après ça... Tu l'as dit, en Amérique du Nord, parce qu'en Amérique du Sud, l'Argentine, l'Uruguay, c'est des pays très forts au rugby. D'ailleurs, tu te rappelleras du film Les Survivants, l'équipe de rugby qui s'écrase puis qui ont été obligés de faire du cannibalisme. Ben, c'était une équipe de rugby, c'était des stars là-bas, là, puis des équipes. En Amérique du Sud, c'est très fort. OK. Dis-moi le Canada là-dedans. Parce que le Canada, c'est pas mauvais, là. Je pense que c'est pas une puissance, mais c'est pas non plus on n'est pas non plus une risée, là. Non, mais on ressemble un peu au soccer, c'est-à-dire que les hommes, on est pas fort, puis les femmes, on est très, très fortes. D'ailleurs, on a même remporté un championnat mondial chez les femmes au Canada. Mais les hommes, c'est très difficile parce que on est classé... laisse-moi vérifier, là, juste pour être sûr, là, parce que je veux pas dire n'importe quoi. Là. Okay. On est classé, je pense, dans les 22e exactement. Ben, au soccer, on joue dans les 90. C'est une méchante différence, ça. En fait, la raison pour laquelle on est classé et qu'on participe à la Coupe du monde de rugby, c'est qu'on est en Amérique du Nord. Donc, il y a nombre d'équipes par continent. Okay. Puis, ben, nous autres, ben, on a le Canada puis les États-Unis. Ça fait que les deux participent, en fait. Peu importe où on finirait, on participerait quand même, là. Faudrait vraiment avoir une malchance, là, pour pas participer. Faudrait, mettons, que le Mexique devienne extraordinaire au rugby, ce qui risque pas d'arriver. Okay. Ça fait que le Canada, on a cette chance-là d'être en Amérique du Nord, que le sport soit pas assez populaire. Donc, parce que sinon, on serait pas là. On n'est pas assez haut classé pour ça. D'ailleurs, il y a des équipes qui sont classées plus haut que le Canada qui sont pas à la Coupe du Monde présentement parce que sont en Europe ou sont dans des endroits justement où il y a des équipes très fortes. Et c'est pas parce que le pays est petit ou gros que nécessairement l'équipe est bonne ou pas. Tu reprends une équipe comme la Fidji. Fidji, c'est 800 000 habitants. C'est une des puissances mondiales. Et d'ailleurs, ce qui me fait rire, c'est que je regarde les pronostics pour les parieurs. Les parieurs. Écoute, Fidji... Moi, je mettrais un petit 10 là-dessus. Ils sont à 351 contre 1, alors qu'ils ont remporté les 5 dernières Coupes du Pacifique. Les Coupes du Pacifique, on s'entend que c'est Australie, Fidji, Samoa, on a aussi Nouvelle-Zélande et Japon. Okay. C'est quand même des grosses équipes, là. Okay. Ils ont remporté 5 fois. Ils sont pas plus hauts que ça dans les... Ça, je ferai attention à ça. Et autre chose aussi à regarder cette année, à bien regarder, c'est que la Nouvelle-Zélande, là, on les met toujours dans le top. Mais ils sont pas numéro un mondial depuis quelques mois. C'est l'Irlande qui est maintenant rendue numéro un, même si, selon les parieurs, ils sont pas classés premiers. On les classe quatrième d'Irlande, mais il reste qu'ils sont numéro un mondial, même si c'est pas une grosse différence de points. Ça veut dire qu'ils ont remporté des matchs importants face à la Nouvelle-Zélande, face à l'Angleterre, face à l'Afrique du Sud, des équipes qui sont très, très, très, très puissantes. Moi, je les mettrais pas comme battus d'avance, et je mettrais pas la Nouvelle-Zélande cette année gagnante d'avance. Parce que Nouvelle-Zélande, oui, ils ont beaucoup de force à l'attaque, mais côté défensif, ça a toujours été un peu leur faiblesse. Donc, s'ils font une équipe offensive qui peut défaire leur défense, ça pourrait mener à des matchs avec beaucoup de points. Et je sais pas si tu te rappelles, la dernière Coupe du Monde, on en avait parlé, il me semble que c'était le Japon qui avait perdu une affaire comme 100 quelques à 10 contre la Nouvelle-Zélande. Mais ça arrivera pas cette fois-ci parce que c'est le Japon qui reçoit la Coupe du Monde et ils viennent de commencer avec une victoire contre la Russie 30-10. Bon, c'est sûr que la Russie n'est pas... Ils ont dû mettre de l'argent pour pas avoir de l'air fou non plus, là. Ils ont dû mettre un gros programme comme c'est n'importe quoi. Dis-moi, Johnny, c'est l'équipe... Déjà dans les matchs préparatoires à la Coupe du Monde, on voyait déjà la puissance, on voyait déjà qu'ils avaient grossi leur équipe. D'ailleurs, c'est très drôle de voir des Japonais qui sont gros. Mais déjà là, ils se sont vraiment beaucoup améliorés dans les dernières années, justement, en prévision de cette Coupe du Monde-là. OK. Le Canada, je reviens à l'équipe canadienne. C'est qui les joueurs qui sont là? Parce que souvent, le Canada, au Québec, on n'a pas vraiment une culture de rugby. Par contre, c'est des joueurs qui viennent de l'Ouest, d'Alberta, BC, et ainsi de suite. Est-ce que c'est encore la même affaire? Entre autres, mais on a quelques Québécois qui sont pas les plus connus. Là, je te dirais, on a un là, qui a vraiment un nom québécois, Justin, je te l'ai dit hier, comment est-ce qu'il s'appelle, Justin plutôt. Maudit, j'ai un blanc de mémoire. En tout cas, Justin Diot, ça se peut-tu? Oui, c'est ça. Et les deux autres, c'est des Montréalais, disons, plus anglophones. Mais on a quand même des joueurs qui jouent, je te dirais, un peu partout dans le monde, dont trois cette année dans notre équipe qui font partie du top 14. Et top 14, c'est la Ligue nationale. C'est en France, mais c'est la Ligue nationale du rugby. Ouais. Pourquoi je dis la Ligue nationale? Il y en a qui sont peut-être pas d'accord avec ce que je dis là, mais parce que la Ligue nationale, parce que c'est là qu'on joue le rugby le plus proche de ce qui se passe à la Coupe du Monde. Parce que l'Angleterre, il y a une bonne ligue. Mais le problème, c'est qu'ils jouent pas comme avec les... Ils jouent pas de la même façon que ça joue à la Coupe du Monde. C'est-à-dire que dès que le ballon tombe à terre, on arrête, puis on va avec le jeu à l'avant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jeu au sol, il n'y a pas de rock, il n'y a pas de comment je pourrais dire ça, de bataille au sol pour le ballon. Un peu comme le rugby à 7, si vous avez vu aux Olympiques. Dès que le ballon est à terre, on n'essaie pas d'aller chercher le ballon. On laisse l'autre équipe recommencer, puis on avance pour que ça, le jeu aille vite. En Angleterre, c'est un peu comme ça. C'est quand tu arrives en Coupe du Monde, ben les joueurs sont un peu moins prêts à faire ces jeux au sol-là, qui sont très, très, très importants. Pour le néophyte, ça peut avoir l'air de gros ramassis, de gros bonhommes qui se rendent dedans, qui se passent à rien. Mais c'est des jeux très importants. Et si on contrôle le sol, on peut contrôler un match. D'ailleurs, si vous avez vu le film Invictus, c'est comme ça que l'Afrique du Sud, en 95, l'a remporté face à la Nouvelle-Zélande. C'était en contrôlant le jeu au sol. Donc, la Nouvelle-Zélande n'arrivait pas à compter de points. Fait que juste quelques pénalités par-ci, par-là, ils ont réussi à remporter la Coupe du Monde en faisant ça. Donc, c'est une des possibilités, justement, contre la Nouvelle-Zélande, bon, d'être meilleur au jeu au sol et en défensive pour pouvoir les battre. Et... c'est ça, la différence est là. Donc, on a quand même trois joueurs du top 14 et on a quelques joueurs qui jouent, donc, entre autres, pour les Harlequins de Londres, qui est une des meilleures équipes de la Ligue anglaise. Fait qu'on a quand même des bons joueurs, mais il reste que le reste des joueurs, c'est des joueurs de petite ligue, des joueurs de comme MLS et tout ça, et des joueurs de très basse ligue. C'est là qu'on a beaucoup de difficultés. Et comme ils se voient pas souvent, on n'est pas une mauvaise équipe, capable de faire des essais et tout ça. Le problème, c'est que faut jouer avec les pieds. Puis le pied, là, si je vois, ben, tu te rappelles peut-être pas, mais aux dernières Coupes du Monde, le Canada a utilisé son pied zéro fois. Il a donné aucun coup de pied sur le ballon, alors que ça permet de gagner beaucoup de terrain. Oui, c'est difficile de jouer avec le pied. Par contre, ça peut donner beaucoup d'occasions aux équipes. Si tu ne le fais pas, tu restes toujours dans ton secteur, puis ça devient très difficile d'avancer. C'est ce qu'il va falloir améliorer du côté du Canada si on veut parvenir peut-être à gagner quelques matchs, parce qu'on peut en gagner, là, dans notre pool, on a quand même la Namibie qu'on bat, qu'on est capable de battre. D'ailleurs, on finit toujours quatrième, c'est-à-dire devant la Namibie, et l'Italie, on peut quand même essayer de battre l'Italie. Ils sont 14e au monde, Puis le rugby, ça reste un sport où il peut avoir des surprises. Ça, c'est une chose. Une équipe peut mal tourner, pogner un carton rouge, donc un joueur de moins, ça peut complètement virer le jeu de bord. Puis une équipe plus faible peut remporter un match contre une équipe très, très forte. Donc, il peut y avoir des surprises. L'équipe qu'il faut surveiller, c'est qui? Nouvelle-Zélande, évidemment. Parce la que France, ça toujours, non? Non, la France, 8e position. Puis, ils ont beaucoup de difficultés depuis le dernier, d'ailleurs, le dernier mondial. Ça a pas été, on est en quart de finale, ça a été très difficile pour la France. Okay. Et on dirait qu'ils ont de la difficulté à renouveler leur équipe nationale. Et je comprends pas pourquoi, parce que justement, dans le top 14, quand tu joues là, c'est pas comme au hockey. Au hockey, faut que tu habites dans le pays, faut que tu sois né dans le pays pour jouer ouais. avec le pays. Pas au rugby. Il y a des joueurs de la Nouvelle-Zélande qui sont dans l'équipe de la France, parce qu'ils jouent depuis assez longtemps en France pour avoir leur visa et donc être dans l'équipe de France. Ils sont pas capables de jouer dans l'équipe de la Nouvelle-Zélande, ils sont pas assez forts, mais ils peuvent jouer dans l'équipe de la France. Par contre, la France, ils ont eu des bons joueurs. Ils avaient la chance de gagner la Coupe du Monde. Il y a deux Coupes du Monde. Ils l'ont raté. Puis c'est très long avant de revenir parce que les Rory Cocotte, c'est quand même assez âgé. Ils jouent encore dans le top 14, mais ils commencent à être, plus de 30 ans au rugby, tu commences à être vieux. Ben oui, c'est sûr. Moi, c'est incroyable. C'est dur sur le corps. Ouais, ouais. Pat, très intéressant. Évidemment, là, je te parle de Nouvelle-Zélande. Faut pas oublier l'Angleterre qui reste toujours une puissance mondiale. L'Afrique du Sud, parce que l'Afrique du Sud sont reconnus pour avoir une défense extraordinaire depuis toujours. Même chose pour l'Australie qui a une défense assez solide. L'Irlande, qui est numéro un depuis peu. On n'en parle pas beaucoup. Mais l'Irlande, qui reste quand même un petit pays, est numéro un. Même si on les met très bas du côté des parieurs à Las Vegas, je mettrais peut-être un petit 10 sur l'Irlande qui a des chances de se retrouver en finale contre la Nouvelle-Zélande. Et peut-être qui sait de le gagner. OK. Bon, ben c'était très, très... Premier match du Canada, c'est quand? Premier match du Canada, exactement. Là, je regardais la France. Le premier match du Canada, c'est jeudi dans la nuit, prochain. Pardon? Ouais, ça va être dans la nuit. C'est contre l'Italie jeudi prochain. Jeudi prochain, OK. Donc, on va suivre ça. Ouais. Pat, on va se reparler pour la finale. Puis, on a un compte-rendu de ce qui s'est passé. OK, ouais, pas de problème. Donc, Pat Bouchard, un des grands fans de rugby au Québec, certainement, que vous pouvez écouter au 92.5 sur l'heure du midi.